Père, peur. Fait, feu. L'air, leur. Sel, seul. Il plaît, il pleut. Je vais, je veux. Mère, meurt. Paix, peu. Des, deux. C'est, ce. Blé, bleu. Né, ne.